8h55, très heureux, François Morel, également. À vous. Merci Nicolas. C'était un comédien, il a fait rêver des millions de spectateurs à travers le monde et il est mort. C'était devenu un vieux monsieur à la santé fragile qui jadis avait joué sous la direction de Godard. Il avait été partenaire d'Alain Delon, de Catherine Deneuve, de tant d'autres. Et il est parti cette semaine, comme s'en vont aussi ceux qui ont eu une belle vie et finissent comme chacun par arriver à destination. C'était un comédien et il est mort. Je parle de Nino Castelnuovo, celui qui, dans les parapluies de Cherbourg, interprétait Guy, amoureux de Geneviève et jeune appelé, partant en Algérie effectuer son service militaire. Oui, bien sûr, vous pensiez que j'allais faire ma chronique sur Belmondo. Je suis farceur, je sais, ce n'est pas très élégant de s'amuser sur le dos des morts, d'autant qu'on les aimait, ces morts, et qu'on aura bien le droit de continuer, grâce à la magie du cinéma, à admirer, à aimer. Mais... pardon, depuis le temps que je tiens le crachoir sur France Inter, j'ai déjà rendu hommage à Belmondo de son vivant. C'était il y a des années, Patrick Cohen était encore sur Radio France. Je veux dire, Patrick Cohen n'avait pas encore réintégré Radio France. C'était il y a des siècles, Nicolas Demorand n'était pas encore parti de France Inter. Je veux dire, Nicolas Demorand n'était pas encore revenu à France Inter. Enfin, c'était en des temps immémoriaux et moi j'étais déjà ce roc imperturbable, cette balise immuable qui reste un repère à l'horizon, une borne, un amer que l'on scrute et qui rassure, que l'on recherche et qui soulage, quand tant bien que mal on essaie d'avancer dans l'océan changé de nos existences en furie. Oui, j'étais déjà cette bite rassurante et solide sur laquelle à 9h moins 3, chaque vendredi, chacun vient amarrer la fragile embarcation de sa vie. Donc, Nino Castelnuovo est mort le même jour que Jean-Paul Belmondo et ce n'était pas une chose à faire, Nino, demander à Cocteau mort le lendemain de Piaf, demandez à Jean d'Ormesson, mort le même jour que Johnny, et demandez, si vous vous en souvenez encore, de demander à Roger Riffard, mort, selon l'expression d'Anne Sylvestre, en levée de rideau de Georges Brassens, il y aura bientôt 40 ans. Nino, il fallait attendre un peu, une semaine, 15 jours, et vous retrouver en compétition avec des inconnus, vaccinés ou non vaccinés, mais qui devront, devant Saint-Pierre, présenter un pass sanitaire. Le monde est divisé en deux. Ceux qui pensent que les films de Jacques Demy sont niés, kitsch, cucu la praline. On n'emploie plus beaucoup l'expression cucu la praline, et c'est dommage. Et ceux qui, comme moi, estiment que les films de Demy sont beaux, bouleversants, lyriques, et pas du tout cucu la praline. Dont on me signale que l'expression peut être avantageusement remplacée par cucu la violette, cucu la fraise, cucu la rainette, cucu la noisette, voire cucu la praloche, ce que je conteste hardiment, car aucune de celles-ci, à mon avis, ne pourra jamais se hisser au niveau de l'idéal cucu la praline. Nino est mort, Jean-Paul est mort, tant qu'on a un cœur qui bat, des yeux capables de s'émerveiller, le cinéma reste vivant. Il faut essayer d'être heureux, il faut que nous gardions de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera à vivre. Un grand merci à vous, François Morel. France Inter.